Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. Sur la route de Neil Cassady. Lettre à Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Choisi et proposé par Julien Douminc. Réalisation, Pascal Deux. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Neil Cassady fut longtemps considéré comme l'icône de la Beat Generation. Poète, il inspira à Jack Kerouac le personnage de Dean Moriarty dans son roman manifeste « Sur la route ». Mais sa correspondance témoigne qu'il n'était pas seulement un héros de roman, un effluve et un rêve comme il se définissait lui-même, mais aussi un écrivain des plus incandescents, tant son écriture est proche de sa douleur. Troisième épisode, à l'Est, toute. Été 1949. Neil Cassady vit à San Francisco. Quelques mois plus tôt, il a épousé Caroline Robinson, avec qui il a eu une fille, Kathleen Johan. Ils attendent leur deuxième enfant. Très vite, les virées nocturnes ne suffisent plus au poète pour se délester du poids de la vie. À nouveau résonne l'appel de la route. À Jack Kerouac, 3 juillet 1949, 29 Russell Street, San Francisco. Cher Jack, j'ai frappé Louane au front le 2 février et je me suis cassé le pouce gauche, juste au-dessus du poignet. Le plâtré n'a pas été facile et a demandé 3 moulages différents. 23 heures en tout à attendre, assis sur des bandures, etc. Avec le dernier plâtre, ils ont posé une broche dans le pouce. En avril, quand ils m'ont enlevé le plâtre, la broche avait infecté l'os et j'ai développé une ostéomyélite devenue chronique. Et je me fais à nouveau opérer demain. Si ça rate, un mois immobilisé dans le plâtre, on m'amputera du pouce gauche. Je me suis occupé du bébé pendant que Caroline travaillait de février à juin. Fin mai, j'ai cru que mon pouce était suffisamment remis pour pouvoir bosser. Caroline a quitté son emploi et le 1er juin, je suis allé travailler chez Goodyear comme mouleur de pneus rechappés. Boulot super dur et une vraie fournaise, mais j'aime bien. Je vais sûrement me faire remercier mardi quand je vais arriver avec la main plâtrée. Goodyear va être dans une sacrée merde vu qu'ils n'ont personne pour me remplacer. Évidemment, Caroline n'a pas trouvé d'autre boulot, donc on n'a pas de revenus et quand les 50 dollars que j'ai seront liquidés... Lundi 4 juillet. Bonne nouvelle. J'ai vu le docteur ce matin et il a dit que je pourrais travailler avec la main dans le plâtre. Samedi 16, minuit. Ma main pue. Une odeur infecte imprègne l'atmosphère à des kilomètres à la ronde. Le plâtre est lourd. La sueur rend mon pouce tout visqueux, il colle au pansement. Je fais un boulot impossible. Ce job est si dur qu'il met complètement à plat 2 gars costauds qui ont leurs 2 mains. Je lance des pneus de camion d'une seule main dans la frénésie de réussir un exploit. Ça m'épate. J'ai 1 million de visions toutes personnelles et fragmentées. Elles ne durent qu'un instant intense, et quand elles se produisent une seconde fois, elles en suscitent de nouvelles. Et je passe d'une trouvaille à l'autre en me disant que j'y reviendrai pour jouer avec ceci ou cela. Évidemment, je me laisse jamais aller à ce petit jeu, vu que quand j'y reviens, la première vision est dissoute et avec elle la possibilité de la saisir avec enthousiasme. Je suis un chasseur de visions malhabiles, galvanisé par les détails ironiques que mes pensées décèlent partout. Béni soit ce qui est tordu, merde à la bénédiction, simplement pardonne. Caroline est maintenant enceinte de 5 mois de notre 2e enfant. Si c'est un garçon, je l'appellerai Jack Allen Cassady. Si c'est une fille, je l'appellerai Caroline Jean. Bill à la frontière, Allen à l'asile, Hunke en tôle, Jack à Denver, Neil tout au bout du pays. Ici, l'horizon, c'est la mer. Je suis allongé à la lisière, l'ouest absolu. Frénétique Frisco, oui. Folle Frisco, oui. Funeste Frisco. Frisco de folie frivole, Frisco du rififi flippant, Frisco de la fossilisation, Frisco futur furieusement façonné. Ton livre vendu? Je suis là à réfléchir à mon euphorie et à la meilleure façon de te l'exprimer. Je n'ai qu'un mot. Heureux. Heureux. Heureux. Oh putain, heureux, merde. Je suis heureux. Je suis heureux. Mardi 26 juillet. Vient de commencer Docteur Faust de Thomas Mann. Contrairement à ce que disent les critiques, c'est ce que j'ai lu de meilleur de lui, à part La Montagne Magique peut-être, que j'ai lu quand j'étais jeune et qui m'a beaucoup influencé. Bizarre de découvrir que son dernier livre commence exactement comme le mien. Hier, on m'a posé un nouveau plâtre. Le pouce va mieux, et on va sans doute le sauver. Même si son extrémité restera en bouillie et sans os. On saura ça quand on enlèvera le dernier plâtre, le sixième à cause de mes conneries. Je dois aller bosser maintenant. Je t'aime. Écris-moi encore, s'il te plaît. Je suis seul. Neil. À Jack Kerouac, fin juillet 1949, 29 Russell Street, San Francisco. Cher Jack, je viens de recevoir ta lettre. Je pense aux différentes opportunités que tu as d'aller dans l'Est, à Détroit, à New York, etc. Je sais que je devrais te laisser partir, je sais que je n'ai rien à t'offrir, je sais que je n'ai pas de raison valable de te demander de venir vers moi. Pourtant, si tu as quelques semaines de libre... Si tu veux bien aider ton frère, si tu peux supporter l'épreuve de venir et d'être déçu, alors viens, s'il te plaît. Je suis tellement excité en tapant cette supplique sur ma machine, je sais pas quoi dire, putain. J'ai pas l'esprit clair. Je veux juste que tu sois là. Je veux que tu viennes vivre chez moi. Je veux que tu sois là pour qu'on puisse tout écouter ensemble, la musique, les bruits de la rue, etc. Bon... Sérieusement, j'ai cette vaste petite maison de 5 pièces et il y a plein de place. Et des lits, et à manger, et des radios, et une machine à laver, et un jardin, et un réfrigérateur, etc. Et je vais pas travailler pendant au moins 2 semaines. Figure-toi qu'après 3 semaines supplémentaires dans le plâtre, mon pouce n'a pas réagi au traitement et jeudi dernier, ils ont décidé de l'amputer. Juste la première jointure. Je me fais donc opérer à lundi matin. Caroline travaille toute la journée, y compris le samedi. Et on aura la maison pour nous. On pourra écouter de la musique, parler, etc., etc. Et le soir, bop, boîte nègre de dingue, etc. En lisant certains passages de ta lettre, je réalise à quel point ce que j'écris est pauvre et combien je laisse des trucs en plan, exprimant du coup l'inverse de ce que je veux dire. Bon, je te dirai tout ça quand tu seras là. Je m'arrête là. Je fonce poster ça. Je te répète simplement, pense à toutes les bonnes raisons de venir ici. Multiplie-les par 10 et imagine ma joie. Et espèce de vieil enculé d'indécis, apporte sur la route. Quand tu descendras du bus sur la 7e et Marquette, traverse et chope le tram de O'Farrell Street et descends à Hyde et Union Street. Reviens 40 pas en arrière. Tourne à droite dans une ruelle appelée Russell. Arrête-toi au 29 sur ta gauche et frappe à la porte. Neil. À Jack Kerouac, 20 juillet 50, San Francisco. Cher Jack, Enfin. Lis ça et écoute. D'abord, dans l'ordre chronologique. Parti de Mexico City tôt le matin. La chaleur et les souvenirs de notre virée dans le sud me plongeaient dans un état de rêverie. Conséquence de la différence entre être avec toi et Frank Jeffrey et être seul. Mon attention se focalisait sur les jeunes mecs que je croisais. Je comparais avec les gars des US. Me suis fait entuber une fois, je suis sûr, en prenant de l'essence, bon, d'un ou deux pesos seulement. Long voyage par le col de ces montagnes incroyables. Arrêt à basse altitude pour me décrasser, four en aise et humidité. Un peu inquiet pour la marchandise, la voiture commençait à montrer des signes évidents de fatigue. À partir de là, je ne pouvais plus en attendre grand-chose. Rallier Victoria, l'esprit absorbé par la planification minutieuse de la façon dont j'allais m'y prendre pour trouver Gregorio a été horriblement long. J'ai bien roulé pour être sûr d'arriver pile à la tombée de la nuit. Dévaler la pente de la colline, avec son monastère, au sud de la ville. Vu que je dormais quand on s'était arrêté à l'aller, il fallait que je retrouve de mémoire l'architecture particulière de la station-service où je devais le rencontrer. Cinq niveaux particuliers et distincts de choses vécues cette nuit-là. Comme apprendre l'anglais à deux gamins devant un troisième dont l'instruction se résumait à s'occuper de l'étal de fruits de son père décédé. Passage par le Waikiki Bar, le plus génial de tous. Wow. Deux hallucinations différentes et encore plus longues en même temps. Monter à Illich Garden avec la nouvelle Victoria, le meilleur shit que le monde ait jamais créé. Et autre incident, l'alternateur est tombé en rade et je suis resté coincé pendant 2 heures avec le patron d'une station-service. J'en passais des meilleurs et je continue. Après Victoria, pour des raisons que j'expliquerai plus tard, j'ai poussé jusqu'à la jungle, par des routes qui ont bousillé mes amortisseurs arrière, et j'ai dormi à poil. Toujours plus d'hallucinations et piqûres d'insectes, claquées à l'aube. Des heures de secousse jusqu'à Linares, où je me suis arrêté pour faire changer la courroie du ventilateur et réparer le carburateur dans le même garage. 12 heures. Pendant lesquels deux gamins mexicains de 12 ans ont essayé de remettre les amortisseurs en place, ont fini par y arriver. Gros pourboire. Semer le chef de la police et le shérif adjoint de Linares à Monterrey. Quitter Monterrey à la nuit et rouler les dernières 250 bornes jusque Nuevo Laredo, sans phare et sans pouvoir m'arrêter sinon la voiture n'aurait pas redémarré. Enfin passer la douane et direction l'hôtel, et dormi longtemps. Repris la route, après avoir réparé l'alternateur, toute une journée à traverser le Texas, Houston de nuit. À l'aube, j'ai eu des problèmes avec la voiture que je n'arrivais pas à identifier, les mécanos non plus. J'ai fini par comprendre ce qui clochait une fois sorti de Lake Charles, en Louisiane. Les cieux s'étaient détachés du pont arrière. Vendu la voiture pour 32 $ et me suis envolé pour New York à bord d'un avion quadrimoteur Constellation après 14 heures passées à la Nouvelle-Orléans. Super voyage et la belle vie. Vingt-et-un jours de solitude à New York, à part Diana le soir, pendant lesquels 50 grammes se sont évaporés. Des prises de tête sans fin pour décider de l'avenir et au final, 4 jours et 4 nuits à travers le pays à bord de vieux streamliners pour revenir bosser ici à San Francisco. Pendant mon premier trajet au chemin de fer, un serfrain que je connais bien et moi, on se tenait sur la voie entre un train de marchandises qui roulait et le train de voyageurs où on allait monter. Une fois le train de marchandises passé, un convoi de wagons surchargés a déboulé dans notre direction, alors que la locomotive de notre train arrivait. Et voyant qu'il fonçait droit sur nous, ça m'a filé un électrochoc et j'ai rassemblé toute mon énergie pour le regarder bien en face, avant de m'aplatir contre notre train. Je me suis raflé le nez sur la porte, mais j'en suis sorti indemne. et pas mon collègue. Une fois le wagon de queue passé, je me suis retourné et je l'ai vu couché sur le ballast, pris de convulsions et battant des jambes comme un lapin agonisant. Je l'ai allongé sur un banc, deux quais plus loin, et j'ai demandé au conducteur du train de voyageurs d'appeler une ambulance et un docteur. Il avait le crâne défoncé, du cou jusqu'au sommet de la tête, d'une oreille à l'autre. Il était embouilli. Barbouillé de sang, il tenait encore sa casquette et impossible de desserrer l'étau de ses doigts. Une fois monté dans le train de passagers, j'ai mis au moins 10 minutes à m'endormir. J'étais complètement secoué. Dans l'Ouest, mieux vaut faire gaffe à là où tu mets les pieds. Neil. À Jack Kerouac, 22 septembre 1950, San Francisco. Cher Jack, j'avance vers ma mort. Chaque automne, ça recommence, surtout fin septembre. La conscience de ce qui fait la mort de chacun est une chose si intime qui exerce une telle pression sur l'intelligence que poser des mots sur le papier est un supplice. Chacun, sa solitude à l'esprit, détient un germe de mort qu'il est impossible d'ignorer et il faut faire avec. Ta lettre était parfaite. Un vrai bijou. Et tellement clair. Et je t'adore. Et je sais que tu pourrais en torcher 100 comme ça. Tu l'as fait d'ailleurs. Et je tremble. Et la vie me paraît à nouveau grandiose. Et nom de Dieu, je peux te dire que je plane, ouais. Là, je prends un pied salutaire comme jamais. Analytique, pas moins. Neil. APS. 6 juin, un portrait de la petite Jamie Cassady par Caroline. Vénus de Russell Street. Céline Jane Cassady. Ainsi prénommée d'après Louis Ferdinand. À Jack Kerouac, 15 octobre 50, San Francisco. Jack, le plus grand. Incroyable. Tu m'as envoyé la description exacte de ce que j'étais en train de faire et de comment je le faisais. Jane Kelly, exact. J'ai adoré aussi, je veux dire, allongé, là, défoncé, à capter la différence entre lui et Mel Allen. J'adore ce que tu dis à propos de Wolf. Je suis complètement sidéré, mais comme toujours, de voir à quel point les trucs qui nous éclatent sont exactement les mêmes. Pour tout. Je parle de nos réflexions en général, pas des moments où on prend notre pied dans notre petite vie satisfaite d'elle-même. Je sais que c'est un défaut que tu as souvent remarqué chez moi, ce putain d'étonnement devant la moindre coïncidence, ou ma promptitude à relever les moments où nos deux esprits sont connectés, quand on se balade dans la rue, etc. Mais bordel, ta lettre est tellement vitale pour moi. Elle m'a montré une fois de plus que je ne suis pas seul dans mon univers mental. Et encore une fois, elle m'a donné un bon coup de pied au cul pour continuer. Et aie confiance en toi. Peu importe à quel point tu es conscient de ne jamais pouvoir mettre en mots la moindre chose de la façon dont la voix dans ta tête la formule, essaie au maximum et ne regrette pas trop les échecs. Plonger dans les zones les plus abyssales de l'esprit, jusqu'à ce qu'elles soient comme des places ensoleillées tellement tu les connais, grâce à la répétition et à la force émotionnelle des visions les plus profondes, est si habituel pour moi que tout mon élan consiste à explorer l'esprit plutôt que de fusionner avec lui. Et la communion de pensée n'apparaît pas dans l'écriture. Il en ressort une telle banalité que l'âme s'évanouit de peur d'être piégée, de sorte que chaque pensée peu importe comment elle est venue, devient tellement confuse et limitée que la végétation s'en mêle sur elle-même indéfiniment et moisie, comme sous l'effet de l'ulcère tropical. Et alors, qu'il n'y a pas d'exutoire pour les pensées accumulées, qui sont complètement délirantes, comme l'après-midi à Victoria, d'autres pensées continuent d'arriver à chaque minute, qui nous accablent avec le fardeau du souvenir. Et quand on commence à se rappeler de tout, la putain de boutique ferme et entame une grève sauvage, et la lumière s'enfuit et le putain d'esprit lutte dans le bourbier jusqu'à ce qu'il lâche vite fait bien fait et se tourne toujours plus vers le cul. Je me masturbe au moins 3 fois par jour, et ce depuis des années, quel que soit le nombre de fois où je baise et où je prends mon pied. Il y a des années, c'était des orgies pendant des journées entières, allongé, tout seul, à penser à une femme. Des centaines d'images, je me souviens, à 9 ans, une petite salope de mec, 1m20, à Denver, un soir de carnaval, en train de blablater avec un copain de classe. Et je jouissais au moins 11 fois en 6 ou 7 heures. C'est devenu une habitude quotidienne avant de me coucher. Je peux pas m'endormir sinon. Et un serfrain ne dort jamais plus de 4 ou 5 heures avant d'être appelé, quand les affaires vont bien, et doit roupiller n'importe où. Je n'ai commencé à me masturber que très tard, à 17 ans. Ça faisait quasi 5 ans que je baisais quand j'ai commencé. Ça a tout de suite été frénétique. Et ça l'est resté depuis que j'ai fait 11 mois et 10 jours en maison de correction dans le Colorado, etc., etc. Je viens d'accomplir la plus grande prouesse de ces 5 dernières années, peut-être même plus. Depuis que je me suis échappé de la maison de correction en Californie, ou bien qu'on m'a, incroyable quand j'y pense, dissuadé de me barrer à nouveau, une fois qu'on m'avait chopé en train de m'enfuir de Saint-Quentin. Je t'ai écrit une lettre entière en étant défoncé. Toute cette lettre, du premier mot jusqu'à celui-là. J'arrive pas à taper et gosse sur les genoux. Toute cette lettre est le résultat de moi, assis, m'efforçant de noircir ces 2 pages avec des trucs plus ou moins sensés. Incroyable. Et tellement encourageant. Voilà. Arrive, donc, épaisse nuit. Lui, il sait. Dis pas qu'il sait pas, mec. Alors que j'ai lu d'une traite pendant 3 ans, de 11 à 14. Etc. Etc. À l'est, toutes. Neil. C'était Sur la route de Neil Cassady. Lettre à Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Choisie et proposée par Julien Doubinck. Lue par Quentin Bayot et Pauline Ziadé. Guitare, Pierre Téréjol. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Équipe technique, Éric Boisset et Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Les lettres de Neil Cassady sont publiées en 2 tomes aux éditions Finitude dans une traduction de Fanny Wallendorf. Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur franceculture.fr.